Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé. Par Yves Simon. Le troisième homme est arrivé, Sigmund Freud. Là, il ne s'agit pas de passion, mais d'une amitié amoureuse. À Göttingen, jusqu'à sa mort, Lou Andreas Salomé va pratiquer ce que lui enseignait le maître, la psychanalyse. Gare à qui se frotte à une telle femme déterminée. Pour l'heure, Rilke est l'empêcheur de tourner en rond. Elle ne veut pas manquer de profiter d'une quiétude qu'elle n'a pas rencontrée depuis longtemps. Depuis sa rencontre avec Rainer, en fait, l'amour, la passion ont tout masqué. Mais l'incroyable propension du jeune poète à la mélancolie, à l'angoisse, cela ne peut et ne veut plus le supporter. Elle n'est ni une nurse d'écrivain prodige, ni une infirmière pour écloper de l'existence. Son avenir est ailleurs dans les sphères de la magnificence, là où les cerveaux tournent à plein régime, sans égard pour la difficulté de vivre et les souffrances de l'existence. Après tout, elle est célèbre. Sa légende la précède et Rainer, entortillé dans ses problèmes, l'empêche tout simplement de vivre sa vie. Trop jeune, trop immature. Il ne sait pas qu'il ne faut jamais décrire sa misère à celle que l'on veut reconquérir. Lou le rejoint bientôt et ne laisse rien transparaître, ni de sa lassitude, ni de sa contrariété. Il n'aura rien écrit, pas une ligne, pas l'ombre d'un poème durant cette maussade saison. Un été aride de sentiments, aride de gestes tendres et de paroles amoureuses. Leur retour à Berlin à la fin du mois d'août est un cauchemar. Rilke se s'est délaissé et abandonné. La femme qu'il aime est physiquement encore à ses côtés. Mais le miroir qu'elle a déjà traversé n'indique aucun chemin pour un retour vers son cœur. 1900, publication de l'interprétation des rêves par Sigmund Freud. Il a alors 44 ans. Après être resté des semaines dans une clinique psychiatrique d'Iéna le 25 août de l'an 1900, Nietzsche meurt auprès de sa mère chez lui à Naumbourg, à 56 ans, de folie, de fatigue et de solitude. À Berlin, Rilke pense à sa survie et accepte une invitation de son ami Heinrich Vogler, qui habite une banlieue toute de landes et de marécages, à côté de Brême. Là se retrouve une galaxie d'artistes que la grande ville rebute, des jeunes gens, des jeunes filles. L'une est blonde, l'autre brune. Il se laisse séduire par les deux. La blonde, Paola Brecker, est peintre. La brune, Clara Westhoff, est sculpteur. Toutes deux émues par la détresse du jeune homme lui font songer qu'il n'y a pas que Madame Lou Andreas Salomé dans la vie, qu'il y règne d'autres beautés, jeunes et pleines d'élan et d'égards à son endroit. Chaque foyer est comme une mer, bon et chaud. Mais je dois encore chercher ma mère, n'est-ce pas? Il ne peut s'arracher à cette mère amante que fut Lou, son nid douillet. Et à défaut d'un amour dont elle semble ne plus vouloir, il tente de lui proposer son amitié. Il a le sentiment de vivre une vie intermédiaire, régie par un dieu intermédiaire, et se demande combien d'existences intermédiaires finissent dans les asiles de fous avant d'y succomber. Ces états dépressifs successifs irritent Lou, la consternent pour tout dire. Pour le distraire, elle continue de l'emmener à quelques premières de théâtre et à des soirées littéraires. Alors qu'il va assidûment correspondre jusqu'à la fin de l'année avec la blonde Paola, c'est Clara la sculptrice qu'il épousera dans l'urgence, comme s'il fallait se fondre à l'intérieur d'une vie nouvelle. Trouver vite le point de non-retour et l'impossibilité d'un regard en arrière. Ses amis, Lou, furent des plus surpris. Il y eut cette lettre destinée à interrompre le processus du mariage, lui parlant comme une mère, elle préconise, comme toujours, le travail. Lui disant que son salut est dans le seul travail acharné pour découvrir la matière des mots et leurs secrets. La lettre, qui est en fait une lettre de rupture, se termine ainsi. Une chose est survenue, quelque chose qui est presque une culpabilité tragique envers toi. Le fait qu'en dépit de notre différence d'âge, il m'a fallu grandir depuis notre première rencontre, grandir pour trouver finalement ce que je t'ai annoncé avec tant de joie, quand nous nous sommes dit au revoir, et si étrange que cela puisse paraître, ma jeunesse. Car ce n'est que maintenant que je suis jeune, ce n'est que maintenant que je puis être ce que sont les autres à 18 ans, entièrement moi-même. C'est pourquoi ta personne si chère et si proche à nos débuts a disparu peu à peu de ma vue, comme dans un vaste paysage. Sans le savoir, j'ai obéi au grand dessein de ma vie qui, en souriant et au-delà de toute compréhension, m'offrait un présent. Je l'ai accepté avec une grande humilité. Et à présent, je te crie avec une clarté prophétique. Va de la même façon vers ton sombre Dieu. Jusqu'à la mort de Rilke en 1926, Lou sera celle vers qui il va se tourner, exultant ou dépressif, célèbre et rempli d'humilité. Les lettres qu'il s'écrive sont parfois des consultations d'analysés à praticiens, d'un ami à son ami cher, d'un enfant à celle qui sait et qui conseille. Souffrant d'une leucémie, jusqu'au dernier moment, il fera appel à elle, la faiseuse de miracles, celle qui le sortit de sa chrysalide de génie des mots, pour en faire un immense poète. Après avoir écrit ses ultimes lignes qui orneraient son tombeau, rose, pure contradiction, volupté, sommeil de personne sous tant de paupières, à l'aube de sa mort et sur son lit d'hôpital, Rilke dira au médecin du sanatorium: Lou, qui sait tout, connaît sans doute un remède à ma douleur. Repensant à son amie Malvida, qui s'est tant dévouée pour les autres, pour la révolution et pour la cause des femmes, Lou se dit que peut-être là est le sens à donner maintenant à son existence, s'engager pour autrui. Elle est une célèbre essayiste et romancière. Pourtant tout cela doit passer après la vie. Pendant cette période intermédiaire, elle va peu écrire, mais se passionner de plus en plus pour ce qui fait agir les hommes et les femmes. Quelle pulsion anime nos actions et permettent qu'elles aient lieu? Quelle force les pousse vers l'avant ou au contraire les inhibe? Ces questions sont le thème d'un livre qu'elle publie en 1902 dans la zone crépusculaire et qui semble annonciateur de la prochaine grande rencontre de sa vie. Un événement survint dans le couple Andreas-Salomé lorsque Marie, la servante, met au monde une petite fille dont le père n'est autre qu'Andreas. On l'appellera Marichen. Lou aurait pu prendre ce prétexte pour divorcer, elle n'en fit rien. Et la nouvelle famille prend le train qui les emmène pour Göttingen, non loin de Hanovre, au centre de l'Allemagne, là où Andreas vient d'obtenir la chaire de langues orientales à l'université de la ville. Il a 57 ans, et il a tant attendu ce poste que sans doute Lou ne voulut pas compromettre la fin de carrière de son mari en entamant une procédure de divorce. De plus, elle accepte avec joie cette petite fille, comme si c'était la sienne. À Göttingen, pour la première fois de leur vie, ils habitent une vraie maison. Nous sommes en 1903, et Lou y vivra jusqu'à la fin de ses jours en 1937. Lou Andrea Salomé a rencontré Nietzsche à 20 ans, Rilke à 40. Elle a 50 ans lorsque Freud traverse sa vie. Cette fois, elle peut revivre l'épisode Gilou de son adolescence, maître-élève, sans ambiguïté. Sereine, elle veut connaître la psychanalyse, apprendre tout de Freud, collaborer, apporter ses propres intuitions et recherches. Alors que l'interprétation des rêves parue en 1900 marque les débuts officiels de la psychanalyse, 11 ans plus tard, le congrès de l'Association psychanalytique internationale s'ouvre le 21 septembre 1911 à Weimar. Ambiance détendue, c'est le jeune Carl Jung qui préside les séances sous l'œil vigilant du maître incontesté, Sigmund Freud. Celui-ci a 55 ans, posé, il parle avec douceur et beaucoup de charme. Il porte une moustache entourée d'une barbe naissante. C'est Bière, un psy suédois disciple de Freud et amant du moment de Lou qui les présente. Devant ce qu'elle nomme son désir véhément d'étudier la psychanalyse, Freud se met à rire. Elle n'a que 5 ans de moins que lui et il croit voir une enfant au rayon des jouets, et qui vient de choisir celui avec lequel elle va enfin pouvoir s'amuser. Avec malice, il lui demande si elle le prend pour le Père Noël. Mais l'ironie de Freud est de courte durée. Il connaît Lou de réputation, sait combien Nietzsche fut amoureux d'elle, il est subjugué par sa beauté, par son passé. Qu'elle veuille de surcroît être une élève, le flatte. Quelle étrange personne, se dit-il. Durant leur premier entretien, il est séduit par son intelligence et la compréhension immédiate qu'elle a de sa pensée, mais surtout par son invincible optimisme. Ce fut le premier mystère que lui soumit Lou et qu'il ne parvint au cours de leurs longues années d'amitié jamais à résoudre. Comment, après avoir connu le tragique de l'amour, d'avoir approché de près la tragédie nietzschéenne, pouvait-elle à 50 ans continuer à se parer d'un tel joyeux optimisme, se demandait Freud. Séduite par le congrès de Weimar, elle décide d'étudier tout ce qui a trait à la psychanalyse, à Freud et ses travaux. Depuis qu'il me fut permis d'assister au congrès de Weimar en automne dernier, il m'a été impossible d'abandonner l'étude de la psychanalyse. Et plus profondément je pénètre dans ce domaine, plus il me passionne. À présent, se réalise mon désir de pouvoir aller à Vienne pour quelques mois. Puis-je donc m'adresser à vous, suivre vos cours et obtenir la permission de me joindre à votre groupe du mercredi soir? Ma seule raison de me rendre à Vienne est mon désir de me consacrer à ces questions. La réponse de Freud est positive et elle se décide de venir vivre 6 mois à Vienne. À Vienne, Lou est reconnue par tous. Des violettes et des jacinthes envoyées par des admirateurs inconnus vont chaque jour envahir sa chambre d'hôtel. Des écrivains plus jeunes continueront à lui passer des billets, lui envoyer des lettres enflammées. Elle retrouvera l'architecte des grandes villes, Otto Wagner, Arthur Schnitzler, que Freud appelle son double pour savoir si bien mettre à nu la pénombre des âmes. Les peintres Gustav Klimt, à l'érotisme délicat et dont les toiles sont envahies de désir, d'angoisse, de sensualité. Egon Schiele, qui vient de faire de la prison pour les poses audacieuses que prennent ces trop jeunes modèles féminins. Le poète et librettiste Hugo de Hofmannsthal. Seul le provoquant Oscar Kokoschka, qui aura fui la ville et Alma Mahler dont il était pris, est absent. Lou se rend au cours. Au colloque, elle est admise au cercle fermé du mercredi soir, reste passionnée par la méthode de travail de Freud qui, en observant sa propre maladie, en a fait un objet d'étude et a tenté de découvrir les moyens de la guérir. « Qui parle en moi ?» se demande-t-il. Alors que Nietzsche et Rilke avaient fait de leurs souffrances des objets de compassion, de lutte ou de sources poétiques, elle est subjuguée par la patience, la clarté et la rigueur de Freud. « Sous nos pas pressés repose notre sol. » comme sous ceux de tous les êtres qui nous entourent. Un jour que Lou est absente à une conférence du maître, il lui fait parvenir ce billet. Vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs, et je n'ai cessé hier de fixer comme fasciné la place que l'on vous avait réservée. Se noue entre Lou et Freud une relation privilégiée, un tendre amour fait d'admiration réciproque. Elle est sa confidente, il la considère comme son alter ego féminin. Lou, cette fois, sait que sa vie aura été une longue excursion foisonnante et égoïste pour l'amener à découvrir les êtres et qu'il est temps de rendre ce qu'elle a reçu. Une des premières femmes à devenir psychanalyste, elle écoutera désormais les hommes, les femmes, des patients, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Son séjour à Vienne aura duré ce qu'elle avait prévu, 6 mois. Le 6 avril 1913, elle fait une visite de revoir à Freud. Elle a préparé quelques mots pour celui qui lui a offert ce par quoi les dernières années de sa vie auront un sens. Durant ce rendez-vous, elle ne fait que le remercier, elle est émue. Elle sait que Göttingen l'attend, son havre entouré de forêts. Elle sait qu'elle reverra Rilke, toujours en quête de la retrouver et de rechercher une consolation. Ce dimanche-là, elle quitte Freud, le bouquet de roses à la main qu'il vient de lui offrir et dans sa tête, la phrase qu'elle avait préparée, que sans doute elle n'a pas osé prononcer, de peur qu'elle ne devienne le miroir qui révélerait le secret de son existence. Les hommes se bagarrent et les femmes rendent grâce. La Première Guerre mondiale est là. Les poètes sont sous leurs uniformes respectifs. Tandis que Wilhelm Apollinaris de Kostrovitsky, dit Guillaume Apollinaire, écrit à une autre Lou, résidant en France. Je suis extrêmement fatigué et même un peu déprimé. Mais le moral est bon. Je voudrais que tu sois ma sœur pour t'aimer incestueusement. Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres. Rilke, lui, écrit à la Lou de Göttingen. Je pense souvent avec envie à ceux qui sont morts ces dernières années sans connaître tout ceci. Freud aussi lui envoie une lettre. L'humanité, je n'en doute pas, se remettra de cette guerre. Mais je suis certain que ni moi, ni mes contemporains ne retrouveront un monde heureux. La révolution russe va venir la couper de sa chère Russie, de sa famille. Bientôt Rilke va mourir. Et alors qu'il venait de se retrouver, ce sera le tour de son mari, qu'elle fera enterrer auprès d'elle à Göttingen. Les patients se succèdent dans son cabinet. Lou écoute, Lou soigne. Au service de l'humanité souffrante, elle travaille et affine ce que les cliniciens de la psychanalyse lui ont transmis, Freud en premier. Marque d'amitié et de confiance, celui-ci a confié à Lou la formation analytique de sa fille Anna. En 1931, Lou publie « Ma gratitude envers Freud », lettre ouverte à Freud pour son 75e anniversaire. « Tu as fait avec ce livre une très grande joie à papa », lui écrit Anna. Il n'a cessé de ponctuer sa lecture de « Lou est vraiment unique, elle n'a pas son pareil ». Jusqu'à ses derniers jours, Lou recevra patients et malades dans sa maison de Göttingen. Qu'est-ce qui a poussé Lou Andreas Salomé vers la psychanalyse ainsi que vers son fondateur Freud ? Sans doute plusieurs raisons à cela. En premier, Lou fut sa propre énigme et il n'est pas trop tard à 50 ans passés de revenir sur ce qu'a été sa propre existence, ses ratages, ses exploits en d'autres termes. Qu'est-ce qui a permis qu'elle soit ainsi et pas autrement ? Avec l'âge, augmente la faculté de nouer avec l'homme en soi. Peut-être la vivacité de ce sentiment tient-elle chez moi aux 20 dernières années, où mon activité analytique auprès de malades psychiques m'a conduite à m'approcher avec objectivité et sympathie tout à la fois au plus près de l'être humain. Le fait que Freud donna dans sa théorie une place prépondérante à la libido et à son refoulement n'était sans doute pas pour déplaire à Lou, elle qui avait mis tant d'années pour oser se confronter à la sienne. Dans son journal, elle a conservé le discours qu'elle voulait prononcer à son départ de Vienne en 1913. Je voulais remercier particulièrement la psychanalyse parce qu'elle exige plus qu'un travail solitaire à un bureau et parce qu'elle m'a menée à une sorte de fraternité. Ce qui la rend si vivante, c'est qu'elle n'est pas un mélange obscur de science et de sectarisme, mais bien plutôt le haut principe de toute science, à savoir l'honnêteté qui est élevée à un principe de vie. De leur dernière rencontre dans le parc de Tegel, en banlieue berlinoise où le maître de Vienne vient se reposer entre deux opérations, nous sommes en 1928, Lou garde un souvenir ému. Freud vient de lui couper quelques fleurs dans le parc pour lui offrir un bouquet. Il vient également de lui faire don d'un manteau de martre pour remplacer le sien et l'immer. Il est malade. Un cancer de la langue et de la gorge le contraigne à une réserve de parole. Elle veut évoquer sa souffrance et lui dit, se remémorant une conversation qu'ils avaient eue et où il s'était amusé de sa ferveur. Ce que j'ai balbutié dans le feu de l'enthousiasme, vous l'avez éprouvé. Se souvenant de cette ultime scène, elle écrira évoquant son trouble d'alors. Effrayée de la franchise avec laquelle j'avais fait allusion à son propre destin, je me mis à sangloter éperdument sans pouvoir m'arrêter. Freud ne répondit pas, et je sentis seulement son bras autour de mes épaules. L'Allemagne nazie est en train de naître sous ses yeux horrifiés, et le juif Freud, comme Hindemith, comme Berg et Schoenberg, sont à l'index. Le livre du 75e anniversaire du maître n'arrange pas les affaires de Lou, que le Parti national-socialiste va alors surnommer la juive finnoise. Âgée et malade, Lou ne songera pourtant jamais à l'exil comme Joseph von Sternberg, Erich von Stroheim, ou Fritz Lang, qui refuse en 1933 la proposition de Goebbels de devenir directeur d'un cinéma à la botte hitlérienne. Où serait-elle allée ? Lou est devenue une femme solitaire que viennent rencontrer quelques jeunes gens, des malades de tous âges, et de rares nouveaux amis. Fidèle à elle-même, Lou ne céda jamais aux sirènes de la standardisation, à un monde fait sur mesure, à une vie faite de conventions et de paroles façonnées ailleurs que chez elle. Elle entreprend alors la rédaction d'un dernier ouvrage, une autobiographie, qui ne se veut en rien exemplaire, mais qui a l'ambition de traduire une fidélité à soi, une vie comme un fait. Les ultimes visiteurs de Lou seront deux jeunes gens qui se nomment Joseph Koenig et Ernst Pfeiffer. Ce dernier deviendra 2 ans avant la mort de Lou son légataire littéraire. Jusqu'à la fin, il sera là, quotidiennement, pour faire la lecture du dernier essai autobiographique de Lou, le remanier avec elle, discuter de telle ou telle phrase la concernant, la conseiller sur le sort à réserver aux lettres de Nietzsche, qu'elle a toujours chez elle, à la photo de Lucerne, qu'elle ne veut surtout pas remettre à la fondation d'Elisabeth, maintenant que son frère vient d'être élu saint patron du national-socialisme. Hitler en personne n'a-t-il pas rendu visite à Weimar, à Elisabeth Förster, née Nietzsche? Il y a un léger bémol à ajouter à cette fin de vie. À 72 ans, en 1933, Lou a adhéré à l'Association des écrivains du Reich. L'aurait-elle fait à 20 ou 30 ans? On peut en douter. La vieille dame de Göttingen, qui voit se déployer aux fenêtres de sa ville des dizaines d'oriflammes nazis, n'a besoin que de tranquillité et de quiétude. Plus étrangement, elle promet en 1934 à une maison d'édition d'Iéna un texte ainsi intitulé « Mon adhésion à l'Allemagne d'aujourd'hui ». Mais elle en reste là. À la promesse et rien de plus, puisqu'elle détruit en le déchirant son propre texte, qui sera minutieusement recollé par Pfeiffer, mais qui en interdira la lecture à quiconque. Insoumise, la rebelle avait gagné. Lou Andrea Salomé va s'éteindre dans son sommeil le 5 janvier 1937. Elle a 76 ans. Seuls les derniers amis de sa jeunesse, Joseph Koenig et Ernst Pfeiffer, seront présents à ses côtés pour l'accompagner de Göttingen à Hanovre, où elle doit être incinérée selon sa volonté. Ses cendres alors seraient répandues dans le havre paisible du jardin de sa maison de Göttingen. Hélas, la loi allemande interdit la dispersion dans la nature des cendres humaines. Dernière ironie, son urne funéraire sera donc ramenée à Göttingen, au cimetière municipal, pour être placée dans le caveau où a été enterré Andreas. Dans une tombe sans nom ni plaque d'identification, Lou Andrea Salomé, l'amoureuse des hommes, repose à jamais aux côtés de celui qui fut son unique mari. Que dire encore de l'extravagante Mademoiselle Salomé, qui fit de sa vie un hymne, un chant des amants et des amis, une litanie pour Dieu, un cantique à la dialectique et aux idées comme aux séductions de l'existence. Un mot, une dernière phrase de celle qui viendra de passer le dernier tiers de sa vie, 25 ans, à se consacrer aux autres, à la psychanalyse, à trouver les fils d'Ariane qui mènent au sortir des labyrinthes de l'anxiété et de l'angoisse de vivre. Un mot, une ultime phrase encore de celle qui aura passé les 2 autres tiers de sa vie à vouloir faire de celle-ci une œuvre d'art, puisque l'art est liberté, qu'il est la pulsion interne, comme l'amour, qui conduit à fabriquer de la beauté, afin que les mondes que nous traversons s'embellissent et s'enorgueillissent de l'exception. La vie humaine, ah, la vie tout court, est poésie. Inconscient de nous-mêmes, c'est nous qui la vivons, jour après jour, et fragment par fragment. Mais, dans son inviolable intégrité, c'est elle qui nous vit, c'est elle qui nous mène. C'était Lou Andrea Salomé, par Yves Simon, avec les voix de Jean-Claude Dauphin, Chloé Réjean, Bernard-Pierre Donadieu, Serge Renko et Julien Enthoven. Réalisation Doria Zénine. Équipe de réalisation pour la rediffusion en feuilleton, Catel Guillou et Thomas Beau.